danser les lumières. Quelques filles ballerines ont refait la mer. Pour les copains sans copine, le vent chaud prend des airs. A soulevé Marilyn, habillée d'une pierre, au coupant du sol et fine. Et je me réveille, le soleil est partout, mais pas partout pareil. Je sens qu'il est plus chaud chez nous, on s'habille merveille. Comme un dimanche après tout, celui qui s'essaye, c'est celui qui aura tout. On s'amuse ensemble, on fait danser à peu près flou et tout nous ressemble. On sait pas où on va, où les pas se balancent. Comme si le corps était sous, c'est sûrement de la danse. Pour avancer un point c'est doux, le soleil sur les joues des abeilles et voler. Qu'on s'est fait des ailes en papier, ça paraît plus si haut le ciel. Si elle part, moi aussi, passez pas. La moitié de sa vie, si elle reste, je regarde tomber de l'est, celui qui nous retarde. On oublie les vacances, on bossera pas le lundi pour la seule chance de profiter du samedi et les jours d'orage. Comme on n'aura rien à faire, on va partir à la nage. C'est comme la mer à l'envers du décor. Y'a la terre au dehors et la glace. Même quand l'hiver a des ailes, elle passe. Ça paraît plus si bas le ciel. Si elle part, moi aussi, passez pas. La moitié de sa vie, si elle reste, je regarde tomber de l'est, celui qui nous retarde. Si elle part, moi aussi, passez pas. La moitié de sa vie, si elle reste, je regarde tomber de l'est, celui qui me